Évasion, la météo. La météo de ce mercredi, on va avoir du soleil, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, on a le Noël le plus froid depuis 2010, je vous le dis, avec des températures avec 4 degrés ce matin à Évry-Arpajon, 3 à Étampes, à Dourdan, 3 également du côté d'Orsay, Bruyères-le-Châtel. Cet après-midi, pas beaucoup mieux, même beaucoup moins. 2 degrés à Saucy-sur-École, à Brunois, à hier, 3 du côté d'Arpajon, 2 degrés pour Étampes et Saint-Vrain, et 2 degrés seulement également à Orsay cet après-midi. La météo avec S1 Italian Motors. Nouvelle concession, nouveau showroom Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi à Ballainvilliers, 58 boulevard de la division Leclerc. Aujourd'hui, dernier jour pour vous faire tourner la roue de Noël. On fera ça dans quelques minutes. Mais d'abord, voici toujours plus de tubes avec Damien O'David sur Évasion. Across the ocean, never met the shore. My eyes were closed, my eyes were lost. Just getting drunk on pills and potions, craving something more. Traveled the world, but it got me nowhere. Nothing could ever compare. A man with no side. Before you, I was nothing, had nothing. I only had a kiss, a touch, a song that made me cry. And all the drugs I've done, they never got me higher than the first time we met. There's nothing like the first time we met. I crashed my car, baby, I was flying. And I talked to God, he couldn't get me higher. A touch, a song that made me cry. The drugs I've done, they never got me higher than the first time we met. There's nothing like the first time we met. And when I crashed my car, oh baby, I was flying. And I talked to God, he couldn't get me higher than the first time we met. There's nothing like the first time. Passez un joyeux Noël avec Évasion. Toujours plus de tubes. Toujours plus de tubes. Elle respire l'odeur des corps qui dansent autour d'elle dans l'obscurité. Il s'effleure sans timidité, une insolence chorégraphiée. Elle veut s'oublier, elle veut qu'on la drague, qu'on la regarde et qu'on la fasse. Merci d'écouter Évasion. Le grand réveil Évasion. 5h-9h30 avec Mathieu. Oui, bonjour, c'est moi, je serai là même beaucoup plus au-delà, mais on n'a pas les bons sons, c'est pas grave, je suis là jusqu'à midi ce matin pour vous faire tourner la roue de Noël pour la dernière fois, puisqu'on est le 24 décembre, évidemment, on ne va pas la faire tourner demain, puisque Noël sera déjà passé en plein dedans. Ça n'a plus d'intérêt, bienvenue, aujourd'hui nous fêtons les Adèles. En fait, ce matin aussi, anniversaire d'un des One Direction, c'est Louis Tomlinson. Il a 34 ans. Et en ce 24 décembre, c'est aussi anniversaire d'une icône des années 90, c'est Ricky Martin. 54 ans pour l'interprète de Un, dos, tres, bien avant la série espagnole. D'ailleurs, lui, il n'est pas espagnol, hein, il chante en espagnol, mais parce qu'il est portoricain. De votre côté, on a reçu des messages aussi sur evasionfm.com. Il y a un formulaire à remplir de la part de Marion de Boissy-le-Châtel. Un très joyeux anniversaire à ma meilleure amie Laura qui fête ses 31 ans ce 24 décembre. Double dose de gâteau juste avant le réveillon. Et depuis Broyet, de la part de Justine, bon anniversaire à ma sœur chérie Camille pour ses 27 ans ce 24 décembre. Entre les bougies et les guirlandes, on ne sait plus quoi allumer. Tu m'étonnes, evasionfm.com, je vous l'ai dit, pour remplir le formulaire pour les anniversaires. Et on écoute tout de suite Lewis Capaldi sur Evasion. Toujours plus dessus, bon réveil. How long till it feels like the wound's finally starting to heal? How long till it feels like I'm more than a spoke in a wheel? Most nights I feel that I'm not enough. I've had my share of Monday mornings when I can't get up. But when hope is lost and I come undone, I swear to God I'll survive. I feel that I'm not enough, but I refuse to spend my best years rotting in the sun. So when hope is lost and I come undone, I swear to God I'll survive. If it kills me too, I'm gonna get up and try. Quasiment 7h15 sur Évasion. Bienvenue dans un instant. On va écouter une des chansons qui a été le plus demandée en 2025. En tout cas sur le device, enfin je sais pas comment on dit, l'assistance artificielle robotisée de façon concrète, bah, Alexa. Voilà, c'est juste pour dire Alexa, puisque une étude qui a été faite et, dans les top 3 des chansons les plus demandées sur Alexa d'Amazon, c'était Rosé Bruno Mars, qu'on écoute dans un instant sur Évasion. J'ai été clair ? Non, c'est normal. On n'est que le 24 décembre en plus. À tous ceux qui n'imaginent pas un Noël sans que tonton contredise papy après qu'il ait dit que tata racontait n'importe quoi quand elle a dit que votre cousin avait raison depuis le départ sur le fait que mamie avait tort. Et à ceux qui vont juste reprendre une bonne part de chapon. Voilà. En ce moment, Intermarché offre 10 euros en un bon d'achat, des 30 euros d'achat au rayon boucherie et volaille. Ah, là, c'est Noël. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 24 décembre, réservé aux porteurs de la carte, modalité sur intermarché.com. Ikea. Agnès, je crois qu'on a des squatteurs chez nous. Ils ont ramené leur déco et tout, je reconnais plus l'appart, c'est flippant, Agnès. Respire, Olive, je suis juste allée chez Ikea. Changer d'appartement avec Ikea. Jusqu'au 4 janvier, profitez de 20 euros offerts en coupons de réduction, des 100 euros d'achat d'accessoires et décorations en magasin avec la carte gratuite Ikea Family. Rendez-vous chez Ikea. Héros non masculin. Le héros, les pharaons. Se dit d'une personne qui porte tout un peuple. Sébastien Allais. Celui qui fait rêver tout un pays avec des actions mémorables. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Synonyme possible, Salah, Hakimi, Mané, Haller, Mahrez. Célébrons le football africain sur Beansport. Du 21 décembre au 18 janvier, vivez en exclusivité 100% des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy. 15 euros par mois sans engagement, voire offre distributeur. Leclerc, bonjour. Super plan, vos toasts jaquets pour les fêtes. Ah, vous allez les servir avec quoi ? Alors j'hésite. Mon père veut du foie gras, ma sœur du saumon fumé et ma cousine, elle est végétarienne. Au moins, pas de débat sur les toasts. Du 23 décembre au 3 janvier, pour l'achat d'un lot de 2 paquets de toasts briochés et nature spéciale fête jaquet, le deuxième est à moins 68%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Et voilà pour toi, mon grand. Oh, merci, mamie. Et pour ma nièce préférée, ta-da-da. Mais non. Mais attends, maman, t'as gagné au loto ou quoi? Moi? Oh. Loto, ça n'arrive pas qu'aux autres. Jeudi 25, grand loto de Noël de 20 millions d'euros minimum, remporté ou partagé, voire règlement. FDJ. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, notre Neuchâtel a tout d'un très bon fromage. Si goûtu que vous aurez le droit au classique. C'est qui ton fromager ? Oui, chez Aldi, vous avez tout pour passer de bonnes fêtes, mais à prix discount. 1,99€ au lieu de 2,59€, le Neuchâtel AOP Pays Gourmand. Aldi, de bonnes fêtes, à prix discount. Fromage au lait cru, origine France, 200 grammes, 9,95€ au lieu de 12,95€ le kilo. Offre valable jusqu'au 24 décembre dans la limite des stocks disponibles. Info sur Aldi.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Conforama. Non mais pour bien dormir, faut faire chambre à part. Ou avoir une indépendance de couchage. Chez Conforama, t'as moins 50% sur le matelas 8h, le futé, 140 par 190 à 299 euros. Et un couple sauvé, hein. Jusqu'au 26 janvier, voir conditions sur Conforama.fr. Évasion en Essonne. À Saint-Chéron, 92.5. Here I am, a young man. Come and get me if you can. Up in my room, covered in flames. Ma vie c'est comme au cinéma. Je me trompe et je recommence pas. Le film avance toujours sans moi. There's an orchestra. Traverser mon corps, chacun. frappe, tu verras que je suis pas tellement sûre de moi. Je ferme les yeux, moi je sais pas. Je sens traverser mon corps chacun des accords, et je les entends encore. And I listen to the music, beautiful music. Et moi je me perds dans le sang, j'ai perdu la I am a young man. Tu verras, je suis pas sûr de moi. Je ferme les yeux, mais j'avance pas. Je sens traverser mon corps chacun des accords, et je les entends encore. Oh, why listen to the music, beautiful music. J'ai perdu la raison. Évasion. Évasion. Toujours plus de tubes. Évasion. Évasion. Lendom game. Lendom game. Game start. Apathe, apathe. Bruno Mars sur Évasion. On a reçu un message de Marion Destemps qui nous dit quand est-ce qu'on fait tourner la roue de Noël. Allez, peut-être avant 9h. Allez, voilà, je vous dis ça. Je suis sympa, je vous donne un petit indice. Évasion par SMS au 7-10-36 pour vous inscrire. Vous inquiétez pas, dans un instant, les infos, la météo, mais d'abord Pierre Garnier. Six

Ce soir, on sera en mode repas. Et personnellement, j'ai un petit peu hâte à suivre l'horoscope du jour. Vita, Julien Doré, toujours plus de tubes. Mais d'abord, les infos, la météo, il est 7h30. Bienvenue sur Évasion. Évasion, les infos en Essonne. Avec Brice Charrier. Bonjour à tous, il n'est plus possible de vendre du protoxyde d'azote en Essonne, sauf pour un usage professionnel. La préfecture vient de prendre un arrêté en ce sens. Il stipule que sa consommation et son transport sont également interdits, tout comme d'abandonner une bonbonne sur la voie publique. On parle là du fameux gaz hilarant, une mesure qui répond, je cite, à une recrudescence inquiétante de cet usage détourné, notamment chez les jeunes. Un commerce illégal du produit s'est développé, y compris dans le département, où il fait l'objet de saisies régulières dans divers se cache. Plus d'une centaine de bonbonnes ont ainsi été découvertes ou saisies depuis le début de l'année par les forces de l'ordre. Un groupe de hackers russes a revendiqué la cyberattaque contre la Poste. C'est le même qui aurait ciblé le ministère de la Justice ainsi que plusieurs préfectures et mairies. Les services numériques de la Poste étaient toujours partiellement bloqués hier, perturbant notamment la distribution des colis et certains paiements. La situation s'améliore mais reste instable. Sébastien Lecornu déterminé à faire adopter un budget pour 2026 avec un déficit public à moins de 5% du PIB dès le mois de janvier. Dans une allocution devant l'hôtel de Matignon hier soir, le Premier ministre a appelé encore une fois au compromis. Il s'est dit persuadé que l'adoption du projet de loi de finances est possible si les calculs politiques sont mis de côté. L'un des techniciens touchés dans l'explosion d'une usine lundi près de Lyon est décédé hier des suites de ses blessures. Il était âgé de 47 ans. Trois autres salariés sont toujours hospitalisés. Une résidence pour les personnes en situation de fragilité à Marolles Urpois. Elle s'appelle la Marolaise et a été inaugurée il y a quelques jours avec le soutien de l'État et du département de l'Essonne notamment. Première résidence sociale adaptée implantée sur la commune. Elle dispose de 37 logements dans un cadre bienveillant. L'idée est de permettre un accompagnement collectif et une véritable seconde chance pour les personnes fragiles socialement et psychiquement, leur permettant de se reconstruire dans un logement durable. Il s'agit de la 7e résidence d'accueil en Essonne. Parfois, les vacances de fin d'année sont l'occasion de faire du patin à glace. Et c'est le cas à Étréchy. La ville a installé au début du mois sa fameuse patinoire éphémère sur le champ de foire. Les plus jeunes et les ados vont pouvoir en profiter jusqu'à la fin de leurs vacances. Mais les adultes aussi, bien sûr. Le site reste ouvert jusqu'au 4 janvier. L'entrée est de 5 euros si vous louez les patins avec... 3,100 €. Évasion, la météo. La météo de ce mercredi, on va avoir du soleil, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, on a le Noël le plus froid depuis 2010, je vous le dis, avec des températures avec 4 degrés ce matin à Évry, Arpajon, 3 et Tampa Dourdan, 3 également du côté d'Orsay, Bruyères, Le Châtel. Cet après-midi, pas beaucoup mieux, même beaucoup moins. 2 degrés à Saucy-sur-École, à Brunois, à hier, 3 du côté d'Arpajon, 2 degrés pour Étampes et Saint-Vrain, et 2 degrés seulement également à Orsay cet après-midi. La météo avec S1 Italian Motors. Nouvelle concession, nouveau showroom Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi à Ballainvilliers, 58 boulevard de la Division Leclerc. 7h33 sur Évasion. Dans un instant, l'horoscope de ce mercredi 24 décembre. Je sais pas vous, mais moi je suis extrêmement excité. Merci d'avoir choisi le grand réveil. Voici Vita, Julien Doré pour toujours plus de tubes sur Évasion pour bien démarrer ce mercredi 24 décembre. Je fais mon numéro. D'habitude, je me prends pas la tête. Là, c'est foutu d'avance. On arrête, on commence. Je sais plus ce que je fais. Et ça va finir par me plaire, toi et moi on se fait la guerre. Je vais finir par me faire mêler de tes affaires. Oublie le tête à tête, si je t'embête, ça serait chouette ou pas. Viens on essaie, ouais. À quoi vont se cacher, tout se sait, ouais. Quand on dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi. Toi tu veux m'abîmer la tête. commence, mais les dés je les lance. Je crois que tu me plais. Ça va finir par me plaire, toi et moi on se fait la guerre. Je vais finir par le faire, mêler de tes affaires. Oublie le tête-à-tête, si je t'embête, ça sera chouette ou pas. Viens on essaie, ouais. À quoi bon se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot. Comment se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot. Viens, on essaie, ouais. À comment se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your so I'll have to play. If you think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you all the way. Boy, just come along. Hear me when I say, hey. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Sophie Elise, j'adore. Sophie Elise Baxter sur Évasion. Et j'adore aussi le fait de savoir que nous sommes le 24 décembre. Oh là là, mais quelle joie les amis. Ce soir, réveillon de Noël, on va en profiter. Évidemment, n'hésitez pas à envoyer plein de petites photos dans un instant. Ava Max, Lola Young et l'horoscope de ce mercredi. C'est youpi, c'est maintenant, c'est parti, 7h39. Évasion. Évasion, horoscope. Bélier, persévérez, vos projets prennent forme. Taureau, vous faites tout pour raviver la flamme et ça marche. Gémeaux, votre carrière vous demande un vrai choix. Cancer, plus séduisant que jamais, vous marquez les esprits. Lion, votre intuition vous mène dans la bonne direction. Vierge, vos amours sont au beau fixe, profitez-en. Balance, vous remettez vos objectifs à plat. Scorpion, en couple, tendresse et complicité au programme. Sagittaire, célibataire, envie de sensations nouvelles.

Sur Évasion, on a reçu vos petits messages de douceur pour Noël. Sophie de Milly-la-Forêt nous dit un coucou pour dire que la famille a déjà débarqué. La maison ressemble à un camp de base avec les valises, les cadeaux, les provisions. Bah, tu m'étonnes. Et Claire de Luzarche nous dit petit message pour dire que les préparatifs ont déjà bien commencé. Le sapin penche déjà, les guirlandes font la tronche, mais l'ambiance est là. Eh bien, j'espère que les chocolats sont là aussi, ma chère Claire. Dans un instant, Ed Sheeran. Peut-être même une chanson de Noël aussi avant 8h. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages aussi pour nous raconter comment ça se passe chez vous. 07 68 60 50 17, c'est notre WhatsApp. À tous ceux qui n'imaginent pas un Noël sans que tonton contredise papy après qu'il ait dit que tata racontait n'importe quoi quand elle a dit que votre cousin avait raison depuis le départ sur le fait que mamie avait tort. Et à ceux qui vont juste reprendre une bonne part de chapon. Voilà. En ce moment, Intermarché offre 10 euros en un bon d'achat, des 30 euros d'achat au rayon boucherie et volaille. Ah, là, c'est Noël. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 24 décembre, réservé aux porteurs de la carte, modalité sur intermarché.com. Ikea. Agnès, je crois qu'on a des squatteurs chez nous. Ils ont ramené leur déco et tout, je reconnais plus l'appart, c'est flippant, Agnès. Respire, Olive, je suis juste allée chez Ikea. Changer d'appartement avec Ikea. Jusqu'au 4 janvier, profitez de 20 euros offerts en coupon de réduction, des 100 euros d'achat d'accessoires et décorations en magasin avec la carte gratuite Ikea Family. Rendez-vous chez Ikea, Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous proposer jusqu'au 24 décembre le filet de saumon atlantique à 14,99€ le kilo. Et grâce à votre carte Wahoo, cagnotez en plus 10% le jour de votre choix sur tous les produits frais des Halles. 14,99€ le kilo de filet de saumon? À cuisiner avec peu d'oseille. Auchan, le choix, le bon. Élevé en Écosse ou Norvège, offre valable dans les magasins avec un rayon marée. Jour Wahoo non valable le week-end, conditions en magasin et sur Auchan.fr. Et voilà pour toi, mon grand. Oh, merci, mamie. Et pour ma nièce préférée, ta-da-da. Mais non. Mais attends, maman, t'as gagné au loto ou quoi? Moi? Loto, ça n'arrive pas qu'aux autres. Jeudi 25, grand loto de Noël de 20 millions d'euros minimum, remporté ou partagé, voire règlement. FDJ. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Leclerc, bonjour. Super plan, vos toasts jaquet pour les fêtes. Ah, vous allez les servir avec quoi? Alors j'hésite. Mon père veut du foie gras, ma sœur du saumon fumé et ma cousine, elle est végétarienne. Au moins, pas de débat sur les toasts. Du 23 décembre au 3 janvier, pour l'achat d'un lot de 2 paquets de toasts briochés et nature spécial fête jaquet, le deuxième est à moins 68%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Premier étage. Troisième étage. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. On descend où? Au 13e. 5e étage. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme 5%. C'est le taux d'intérêt de votre livret plus pendant les 3 premiers mois de son ouverture. Et c'est seulement chez Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. Ouverture avant le 29 janvier jusqu'à 100 000 euros de versement limité à un livret plus par personne. Taux annuel brut contractuel de 1,60% et fiscalité en vigueur susceptible d'évolution. Autres conditions sur fortunéo.fr. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos chocolats de Noël ont tout de très bons chocolats. Tellement bons qu'on vous dira « Bon, j'en prends, allez, 3 et j'arrête promis ». Oui, chez Aldi, vous avez tout pour passer de bonnes fêtes, mais à prix discount. 3,89€ au lieu de 4,59€ le ballotin de 200 grammes de chocolat belge gourmet Finest Cuisine. Aldi, de bonnes fêtes, à prix discount. 19,45€ au lieu de 22,95€ le kilo, offre valable jusqu'au 24 décembre dans la limite des stocks disponibles. Info sur aldi.fr. Pour votre santé, bougez plus. Je suis très très radio. Je dirais 10% électro, 15% techno, 10% info, 20% podcast avec un max de Tito Eco, 10% de hits du moment et de chansons françaises, 5% de rap, 10% rock, je suis aussi 10% actu et 10% jazz ultra pointu. J'écoute vraiment tout, tout le temps. Faut varier les plaisirs. Les Indés Radio, 130 radios, des centaines de web radios et des milliers de podcasts disponibles gratuitement. Téléchargez l'application pour tous les découvrir. Évasion en Essonne. À Corbeil, 99.3. Évasion, toujours plus de tubes. Évasion, évasion. Écoutez. C'est un extrait de Miles Smith, Stay sur Évasion. Take my hand, take my hand. Cancel all your plans. Take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. Late night stuck in my head. This apartment's getting colder, colder. Gotta get out. Long night stuck on Lopez. Stuck in my ways, turning circles. C'est Miles Smith, Stay sur Évasion. Toujours plus de tubes. Évasion. Évasion. Toujours plus de tubes. Évasion. You should see the way the stars illuminate your stunning silhouette. You're glowing in the dark. I had to count to ten and take a breath. You think that you don't have beauty in abundance, but you do. And that's the truth. You're frozen in motion, a perfect picture in a frame. Some visions don't ever fade. Unfolding beautifully for us. It's getting late, but I don't mind. We'll take this in until the sun comes up, and I think that what we have is like every dream I had came true. Lying here with you, a photo could not show. Don't ever fade. I don't need a camera to capture this. Evasion. Avec toujours plus de tubes. Si vous n'aviez pas remarqué, c'est Noël. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, c'est à minuit. Wham, Last Christmas sur Evasion. Très bonne matinée, Alex Warren, après les infos. Evasion. Écoutez. C'est un extrait d'Olivia Dean. Man I Need sur Evasion. Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Over on all night, it's like a type of alchemy. Into time and the place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give. I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you meant to be the man I need. Talk to me, talk to me. C'est un extrait d'Olivia Dean, Man I Need sur Evasion. Toujours plus de tubes. Evasion. Bienvenue sur Évasion, nous sommes le 24 décembre, c'est parti. David Guetta dans un instant, Alex Warren et les infos, la météo, c'est tout de suite. Évasion. Évasion. Votre radio en Essonne. Évasion, évasion. Évasion, les infos en Essonne. Brice Charrier, bonjour. Bonjour à tous. Les pompiers du nord de l'Essonne sont désormais mieux lotis à Palaiseau. Ils disposent d'un centre d'incendie et de secours flambant neuf. Après un an et demi de travaux, il a coûté plus d'1,5 million d'euros. C'est là qu'est coordonnée l'action de 300 sapeurs professionnels et 400 volontaires. Ils effectuent plus de 6000 interventions par an. Il n'est plus possible de vendre du protoxyde d'azote en Essonne, sauf pour un usage professionnel. La préfecture vient de prendre un arrêté en ce sens. Il stipule que sa consommation et son transport sont également interdits, tout comme d'abandonner une bonbonne sur la voie publique. On parle là du fameux gaz hilarant, une mesure qui répond, je cite, à une recrudescence inquiétante de cet usage détourné, notamment chez les jeunes, y compris dans le département. Si vous l'avez oublié, sachez que les virements bancaires classiques ne seront plus disponibles à partir de 16h30 cet après-midi, et ce jusqu'au 29 décembre, en raison d'une mise à jour du système de paiement européen. Les virements instantanés et Wiro restent possibles. Un groupe de hackers russes a revendiqué la cyberattaque contre la Poste. C'est le même qui aurait ciblé le ministère de la Justice, ainsi que plusieurs préfectures et mairies. Les services numériques de la Poste étaient toujours partiellement bloqués hier, perturbant notamment la distribution des colis et certains paiements. La situation s'améliore, mais reste instable. Du monde sur les routes aujourd'hui, à l'approche du réveillon de Noël. Bison Futé a classé la journée rouge en Ile-de-France ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, orange ailleurs. Grand Paris Sud se félicite d'être porté par sa population. En cette fin d'année, l'agglomération est dans le top 10 national du classement des soldes naturels. C'est la différence entre le nombre de naissances et celui des décès. Sur Grand Paris Sud, le premier reste donc bien supérieur au second, plaçant le territoire en 7e position sur l'ensemble de la France et à la 3e au niveau régional. Le contexte national est marqué à l'inverse par un nombre de décès désormais supérieur à celui des naissances. Une première depuis 1945. Peut-être faites-vous partie de ceux-là. 38% des Français réalisent leurs achats de Noël à la dernière minute. Et c'est même 45% des Franciliens. C'est ce que révèle une étude d'Encore Store, la plateforme de vente directe entre marques et commerçants indépendants. Alors si vous en êtes, attention, il ne vous reste plus que quelques heures. Voilà pour l'essentiel de l'information. Ce matin, je vous souhaite une très bonne journée et un bon réveillon de Noël sur Évasion.